PSS, Androconus Records, Art de Nuire. Aujourd'hui je viens déposer du hors-pair, du rap polaire pour tous les mecs en colère et tous les vénères. La nervure est névrosée, navrant le nez en quel est Manel. Manel nous malmène et nous mène à la mort. Visiter les porcs, mais du côté obscur gore et le décor, belle porte de mer, où va la terre mon frère. Et yo le mystère est sincère, Mister observe toutes les défaillances, les fissures dans la faïence. Ta conscience au départ, vie revoltante, vire vers la méfiance. Total à l'âle, ils te mettent à table et te pectent comme des petits. PSS, maestro de hip-hop visant toute la pop. Un petit peu prétentieux, mon pote elle est vivace. C'est donné sur le qui-vive. Vivement l'avènement d'événements, vénement, vénéneux. Les fâcheux et les fachos pressent la gâchette, les déchets nous déchirent. Il nous faudrait du dash en un pour nettoyer le terrain et ceux qui le panne pour que la terre soit sereine. Hey yo, hey yo, si tu me dis y'a rien à dire, c'est que des dires sont durs et tortures. Toi sans tort de rire, puis mes textes sont amers. Je ne nique pas de merde, dans la merde on s'emmerde tous les jours au même. Mais quel malheur, man, le monde est mal. Les monodopes, il faut péter la cloque et son atmosphère glauque. Cette épopée pitoyable, minable est vraiment très très très regrettable. Et sans pitié, on empathie de ces anomalies. Elles nous emportent, moi et mes potes à la porte de chez les porcs. Elle est sans pitié, je te l'affirme. Fermée, infâme et ta femme. Que tu sois un homme ou une femme, elle est liée à la mort, elle lui donne sens. D'ailleurs est son essence et nous assassine. Elle est franche et t'assure quelques blessures sans donner le sérum, même si t'as assez. Ouais, que mais la vie est sans pitié, on empathie de ces anomalies. Elle nous emporte, moi et mes potes à la porte de chez les porcs. Elle est sans pitié, je te l'affirme. Fermée, infâme et ta femme. Que tu sois un homme ou une femme, elle est liée à la mort, elle lui donne sens. D'ailleurs est son essence et nous assassine. Elle est franche et t'assure et quelques blessures sans donner le sérum, même si t'as sérane. La terre nous blesse, psycho-mental. Elle s'en bat que mais quand elle accentue les mots. Et moi je dis ce qu'elle nous fout dans la faute. Très souvent nous autres, bien moi et aux autres. Trop d'inégalités, je les vois croître sans arrêt. Des biens non mérités, donc beaucoup trop ont hérité. Et je me sens irrité par les rites de ces rats, car ils ont oublié ce qu'est se prendre dans les bras. Ici putain ça craint trop de cas dans les tiers-quarts qui fuient de le dawa. Waouh, waouh, le calibre, le pétiche des sociétés modernes. Sans lui les gens se ternent et en permanence hibernés. Hibernés par nos gouvernements qui très souvent mentent et augmentent la pente vers la pente. Sûr de les feindre, j'entends des frères geindre. Un gras sont les pingres qui peignent la plainte. Merde, un monde trop redoute te brûle fou. Et de gens prodigués par les sous qui se saoulent à la saleté. Si, si, si, elle est si sidérante cette vie alarmante.